J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais qui s'intéressent à l'histoire de Nancy et à l'exposition sur les façades de l'Hôtel de Ville qui présente la vie des Nancéens pendant la Première Guerre mondiale, cette chronique est faite pour vous. Il y a 100 ans, s'achevait la Première Guerre mondiale. Et l'année 2018 est marquée par de nombreuses commémorations, dont plusieurs auront lieu à Nancy, notamment l'inauguration d'un espace de mémoire autour de la Porte des Îles, restauré le 11 novembre 2018. À cette occasion, essayons de nous plonger quelques minutes dans le quotidien très éprouvant des habitants de Nancy pendant la Première Guerre mondiale. Après la perte de l'Alsace-Moselle, suite à la guerre entre la France et la Prusse en 1870, Nancy devient la capitale de la Lorraine et se trouve à quelques kilomètres seulement de la nouvelle frontière, mais aussi très proche du front en cas de guerre. La Première Guerre mondiale commence en août 1914. Elle va durer jusqu'au 11 novembre 1918, se révélant être beaucoup plus longue que prévu. Elle se décompose en plusieurs phases. Une phase de guerre de mouvement, d'août à décembre 1914, une phase de guerre de position, aussi appelée guerre de tranchées, de 1915 à 1918, et le retour à une guerre de mouvement au cours de l'année 1918. Mais revenons à Nancy. La déclaration de guerre est annoncée à Nancy le 4 août, vers 17h30. La ville, qui accueille une garnison, est placée en état de siège, c'est-à-dire sous l'autorité du gouverneur militaire. Dès lors, le quotidien des habitants se trouve extrêmement perturbé et devient plus incertain. Les bruits de canons se font entendre dès le 12 août. Les combats ont lieu seulement à 5 ou 6 km de la ville. Les premiers blessés arrivent en nombre en ville, ainsi que des réfugiés. Et plus inquiétant, le poste de commandement qui se trouvait à Nancy est transféré à Pont-Saint-Vincent, ce qui provoque chez les habitants un sentiment d'abandon. La bataille du Grand Couronné, le Grand Couronné étant le nom donné à une série de hauteurs à l'est de Nancy, qui a lieu au début du mois de septembre 1914, est remportée par l'armée française et permet de sauver Nancy d'une invasion allemande. La ville est malgré tout lourdement bombardée. Les tirs d'artillerie allemands vont avoir lieu tout au long du conflit. Ils ont pour objectif de saper le moral des civils et créer un climat d'anxiété. Au total, ce seront quelque 1200 projectiles qui vont s'abattre sur la ville, tuant 180 personnes, dont 120 civils, faisant aussi 300 blessés. Parmi les bâtiments touchés, citons l'église Saint-Èvre, les magasins réunis ou l'immeuble de l'Est républicain. D'autres difficultés assombrissent la vie quotidienne des habitants. Les pénuries de bois, de charbon, de sucre. La hausse des prix pénalise aussi fortement les foyers. Les documents d'archives dont nous disposons sur Nancy pendant la guerre nous donnent la mesure de ces hausses. Le prix du pain, par exemple, est multiplié par 1,6 entre 1914 et 1919. Celui de la douzaine d'œufs est multiplié par 5 entre 1914 et octobre 1918. Les documents d'archives nous donnent un bon aperçu des difficultés quotidiennes pendant la guerre et font comprendre que les soldats ne sont pas les seuls à être confrontés à la violence et aux difficultés quotidiennes. Les civils de Nancy, de Lorraine, de France et d'autres pays en guerre ont payé un lourd tribut. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir l'exposition sur les façades de l'Hôtel de Ville ou rendez-vous aux archives municipales pour en savoir plus. À bientôt. J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas.